Studec Web. Studec Web, bienvenue à tous, il est 15h. Studec Web, les infos. Le Flash Info, c'est avec Marine Redan. Bonjour Marine. Bonjour Julie. Dans l'actualité, ce lundi 12 novembre, la grève des enseignants. Près de 10% des personnels de l'éducation nationale sont en grève aujourd'hui, selon le ministère, tandis que les syndicats estiment le taux de grévistes à un quart dans les écoles maternelles et élémentaires et à la moitié dans les lycées et collèges. Les grévistes luttent contre 2600 suppressions de postes prévues dans le budget 2019. Les syndicats ne comprennent pas ces réductions d'effectifs dans le secondaire au regard de la poussée démographique attendue en collèges et lycées. Des manifestations ont également eu lieu dans les grandes villes, c'est le cas à Marseille, Lyon ou encore actuellement à Paris. Côté du carburant, une réunion de travail s'est tenue ce matin à Matignon autour d'Édouard Philippe pour finaliser les mesures visant à réduire la hausse de la facture pour les automobilistes due à la hausse de la fiscalité énergétique. François de Rugy, ministre de la Transition écologique, était présent. Le gouvernement cherche une issue rapide pour sortir de la crise des carburants dont l'apogée sera la journée de protestation des Gilets jaunes le 17 novembre prochain dans toute la France. Parmi les solutions envisagées, on trouve l'élargissement du nombre de bénéficiaires du chèque énergie, la généralisation et défiscalisation de l'aide au transport versée par certaines régions. Hier, Gérald Darmanin a annoncé que l'administration fiscale expérimentera dès 2019 la surveillance des réseaux sociaux des contribuables dans le but de repérer les fraudeurs fiscaux et sociaux. Selon le ministre de l'Action et des Comptes publics, cela débutera début 2019 et constitue une des mesures de la loi contre la fraude fiscale adoptée le mois dernier au Parlement. Enfin, la cour d'assises de Corrèze, juge à partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 la mère de Serena, le bébé dit du coffre caché aux yeux de tous pendant 2 ans. Le 25 octobre 2013, Serena était découverte dans le coffre du véhicule de sa mère par un garagiste. La petite fille, alors âgée de 2 ans, était dans un état de santé précaire, présentant un état de retard de croissance. Enfin, du côté du sport, la 11e édition de la Route du Rhum s'est terminée hier soir. François Joyant a savouré sa première victoire à l'âge de 62 ans. Victoire qui s'est jouée sur le fil puisque seulement 7 minutes et 8 secondes le séparent du second François Gabart. Enfin, du côté de la météo, cet après-midi, le temps est doux et pluvieux sur le nord-ouest et sur les Cévennes. Le soleil refait peu à peu son apparition sur le reste du territoire. Après les fortes pluies, les maximales s'échalonneront entre 11 et 15 degrés de la Manche et la frontière belge jusqu'aux côtes atlantiques. Je vous laisse avec Julie pour votre émission sur Studec Web. Merci Marine, nouvelles infos à 15h30. Studec Borderline, au bord de la culture, au bord de la connaissance, au bord de la connerie. 15h-16h, c'est Borderline sur Studec Web. Bienvenue à tous sur Borderline, que vous soyez bloqués dans les bouchons, en train de bosser ou tranquillement chez vous, on vous accompagne pendant une heure pour parler médias, actu, musique, tout ce que vous voulez. Je suis super contente là d'être avec vous. Moi, c'est Julie, celle qui mène le groupe, on va dire. Mais je suis pas seule. Hein. Avec moi, il y a un gars et une fille. Alors non, on parle pas d'Alexandra Lamy et de Jean Dujardin. Ouais, t'es trop beau. Voilà. Je m'attendais pas du tout à la blague. Pas du tout. Wow. On commence par les filles à ma droite, Morgane. Salut Julie, salut tout le monde. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors, je vais vous parler d'une jeune violoniste, pardon, américaine. On va partir sur du viol, attention. Non. À ma gauche, le seul mec qui a accepté de nous supporter finalement, Corentin. Ouais. Salut Julie, salut tout le monde, bienvenue. Tu vas nous parler de quoi? Journal de l'art des infos, c'est le retour. Il y a aussi la série culte. J'ai fait mes petits travaux sur le passé. Super, on a hâte. On vous a prévu plein de choses pendant l'émission. On a l'alerte média qui peut tomber à tout moment. Impact Studec Web a gagné avec le jeu des poupées russes. Et on aura aussi un sondage sur la livraison de repas à domicile. Alors restez avec nous. N'hésitez pas à réagir à l'émission sur Facebook et Instagram. C'est Studec Web, tout simplement. Et vous pouvez aussi nous voir en live sur Dailymotion. Je crois que j'ai tout dit là, non? Ouais. Dailymotion, aussi, ouais. Très important surtout. Hein. Bah, c'est parti. Le saviez-vous? Studec Web vous dit tout. Les Anglais n'auront jamais de président. La tomate est un fruit. Les dauphins sont des violeurs. Avec Studec Borderline, vous vous coucherez moins bête. Morgane, tu vas nous faire découvrir quoi aujourd'hui? Alors, déjà, je voulais vous poser la question, est-ce que vous saviez qu'il était possible de faire botoxer vos animaux de compagnie? Alors, pas du tout. Alors là, figurez-vous que si, c'est possible, ça s'est passé en Arabie Saoudite. Bonjour, je vous resitue le contexte. Tous les ans, le roi Abdulaziz organise un concours de beauté de chameau. Les récompenses du festival, qui impliquent 30 000 dromadaires, s'élèvent à 46 millions d'euros pour les propriétaires des chameaux gagnants. Le concours a eu lieu en janvier dernier et 12 chameaux ont été disqualifiés du concours. Attends, chameau, c'est quoi? C'est quoi, deux bosses ou trois bosses? Chameau, c'est deux bosses. Et dromadaire, c'est droma... C'est trois bosses. Le mec qui se rappelle de ses cours de CM2. Et donc, ils ont été disqualifiés après avoir reçu des injections de Botox dans les lèvres, le nez et la mâchoire afin de les rendre plus attrayants devant le jury. C'est dingue. Donc voilà, le propriétaire s'est dit pourquoi pas tenter le coup, hein, on sait jamais, ça marche sur les humains, alors pourquoi pas les animaux. Alors, est-ce que vous avez des animaux, vous, autour de la table? Ouais, moi j'ai un petit chat. Elle s'appelle Oli, une petite chatte. Et toi, Coco? Alors moi, c'est un peu le sujet qui fâche en ce moment, parce que j'ai perdu mon poisson. J'avais un combattant, il est mort il y a deux jours. Oh, c'est triste. Bah oui, il est retrouvé au fond du truc, là, et puis il est mort. Moi, j'ai une question pour toi, Morgane. Est-ce que Melania Trump, elle participait à ce concours? Non, malheureusement, mais elle aurait pu. Hein. Elle aurait pu, parce qu'elle a botoxé. Mais elle aurait été disqualifiée, je pense. Mais est-ce que ça vous donnerait l'idée de botoxer vos animaux pas pour gagner 46 millions d'euros? Pas du tout. Je suis Brigitte Bardot, pas du tout. En tout cas, merci Morgane. Avant de retrouver le plat du jour de Coco et notre sondage, c'est Soprano, le nouveau coach de The Voice Kids, qui prend la suite. Son nouvel album Phoenix est sorti vendredi dernier. D'ailleurs, tout de suite, c'est À la vie, à l'amour, extrait de son album. Ben, sur Studacweb. Ma maman dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne sans attendre merci, vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis, avant d'être important soit un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile, si tout s'écroule tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Je venais mais surtout qui j'étais. On avait peu mais on savait donner. Elle m'a toujours dit chez nous l'accueil est inné. Sauf que tu es te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a su. Mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman dit le monde il est fêlé. Change avec ton humanité. C'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer. C'est comme ça la vie. À la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse. Maman donne meilleur conseil que la nuit. Maman donne meilleur conseil que la nuit. J'ai dit maman donne meilleur conseil que la nuit. Maman donne meilleur conseil que la nuit. J'ai dit maman donne meilleur conseil que la nuit. À la vie, à l'amour. Danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse. À la vie, à l'amour. Danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse. À la vie, à l'amour. À la vie, à l'amour sur Studacweb. 17 millions de vues sur le clip quand même, hein. Il cartonne en ce moment, Sopra. Hein. De ouf. Allez, on passe au sondage. Aujourd'hui, on vous pose la question suivante. Les étudiants sont-ils accros à la livraison de repas à domicile ou sont-ils plutôt du genre à cuisiner eux-mêmes? Moi, j'ai quelques chiffres. En fait, c'est les mecs qui sont les plus accros à la livraison à domicile. Il y en a 30% d'entre eux qui commandent toutes les semaines et 22% des filles. Alors toi, Morgane, t'en penses quoi? Bah, moi, je suis anti-commande sur Internet. D'accord. Moi, je cuisine tout parce que je trouve que c'est hyper gras ce qu'on nous livre en fait. Ouais. Et c'est pas bon pour la santé, vous détruisez la santé, vous êtes nul. Bah, non, mais je suis pas d'accord du tout. C'est la facilité. C'est vrai, je ne cuisine pas, tu vois. Mais en plus, mais le pire, oui, mais non, mais la cuisine encore, ça va, c'est pas un problème. Ce que je déteste encore plus par-dessus tout, c'est le fait de faire la vaisselle. Ah, je suis d'accord. Ça prend du temps, t'as les mains qui frippent, c'est dégueulasse. C'est horrible en plus. Non, mais c'est dégueulasse. T'en mets partout après derrière, faut nettoyer. Tu nettoies quelque chose pour renettoyer derrière. Je trouve pas. Le principe, il est nul. C'est comme le fait de refaire son lit. C'est genre, tu vas le redéfaire. Ça revient exactement pareil. C'est inutile. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'en plus de ça, tu fais travailler encore plus de personnes. T'as qu'à pas cuisiner à l'huile. Moi je cuisine pas à l'huile, je fais que de la cuisine saine et du coup c'est propre ma vaisselle. Oui, mais t'es obligé, mais comme elle disait, les jeunes, c'est vrai que les jeunes on utilise beaucoup ça, surtout les étudiants. Et samedi dernier, je suis allé voir l'équipe de France contre l'Afrique du Sud au rugby et il y a même un truc dans le sac qui s'appelle Click and Go et tu peux commander sur ta place, t'es assis, tu commandes ta bière. Ouais, ça te rend feignant, c'est cool. C'est génial. On a lancé le sondage sur Instagram de Studek Web. Allez voter hein, si vous voulez réagir avec nous à l'antenne. Laissez-nous votre prénom, numéro de téléphone en MP. On vous appellera si jamais vous voulez donner votre avis sur la question. Corentin, cet après-midi, dans le plat du jour, je crois que tu as revisité les infos. Exactement, le journal de la désinfo. Alors, c'est toujours le même principe, c'est des infos réelles, parce que ce sont de vraies infos, mais dans un monde totalement irréel que j'ai inventé. On débute tiens, ce lundi avec une info. Une info qui nous vient du pays de l'oncle Sam, les États-Unis d'Amérique, bien sûr. Pour une interview, le fils de Paul Bocuse, Jérôme Bocuse, nous révèle que son père a réussi l'adultère parfait. Il a ouvert un restaurant dans chaque ville où il avait une maîtresse. Mais non. Je vous jure que c'est vrai. Ce qui me donne envie d'en savoir un petit peu plus sur Recork, qui est le créateur de McDo, bien sûr. Un journal régional déclare cette semaine que le pourcentage de Français prenant le volant alcoolisé a diminué. En même temps, entre boire ou conduire, il faut choisir. Et quand tu vois le prix du carburant, le choix est vite fait. C'est vrai que c'est hyper cher. Après les rugbymen, ceux qui ont fait les dieux du stade, ce sont les postiers qui prennent la pause pour faire un calendrier sexy. C'est pas des bêtises, est-ce c'est que vrai. Ça, est-ce ce que sont ça les marche postiers. Eh ben moi, je suis en train de me dire, au final, si tu t'imagines à l'époque, tu recevais les petits matous, tu sais, les petits chats dans les paniers en osier, et ben maintenant, ce sera place au gros matou qui agite la queue. Oh non. Et pour terminer, mon ami Johnny Hallyday, vous savez, l'artisan qui a conçu le cercueil de Johnny, dans lequel il est enterré, cercueil blanc avec des poignées dorées, et ben l'artisan n'accepte plus de commandes, il est overbooké sur plus d'un an et demi. Wow. L'artisan riégeois est comblé et remercie Johnny. Il lui a même écrit une chanson. Tu es mort. Ah ouais, il s'est fait de la thune, hein. Il s'est fait de la thune sur son dos, le salaud. Hein. Ouais, bon. J'avoue. On l'aime quand même, Johnny. Je m'excuse parce que ça, je suis pas tout le temps cool avec lui. Oui, ça, on a remarqué. Mais un jour, j'irai à Saint-Barth, moi aussi. Moi, je l'adorais, Johnny, vraiment, c'est horrible. Alors, avant de retrouver. Non, pas du tout. Je vous dis n'importe quoi en ce moment. Kenny Silva, si vous ne le connaissez pas, c'est le jeune DJ allemand et c'est son tout dernier titre, Fine Day, qu'on vous joue sur Studek Web. It's a fine day, people open windows, they leave their houses just for a short while. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow. going to be a Si vous venez de nous rejoindre et que vous voulez voir comment se passent les coulisses d'une émission de radio, vous pouvez nous regarder en live sur Dailymotion. En plus, on n'est pas désagréable à regarder. On est plutôt beau, quoi. Mais c'est vrai que Julie a fait des efforts aujourd'hui. Oh, mais elle est toute en belle, Julie. Je la trouve super sexy. Bah, tous les jours, quand même. Non, mais encore plus aujourd'hui que les autres jours. Non, mais merci beaucoup. Ouais, ça me touche. Qui me... Dans Studek Borderline, on vous en apprend tous les jours. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos meilleurs amis, les téléphones portables. Ouais. Alors, pour commencer, on va parler anciens téléphones. Si vous ne le saviez pas, le premier téléphone portable a été créé par Motorola en 1973. Hello, Moto. C'est ça, elle dit Hello, c'est Moto. C'est ça. Et le premier mis en vente s'appelait le Dynatac 8000. C'était le 6 mars 1983. Ça fait 35 ans maintenant. Le temps passe vite, moi, je vous le dis. Hein. Ensuite, je pense que ce petit son vous parle. Alors, SMS. Oui, les SMS. Alors, à la base, dans les années 90, on devait faire des abréviations des mots dans les SMS, en fait, parce que les anciens téléphones, ils étaient limités à un nombre de caractères précis. Ah oui, donc fallait aller au plus court, en fait. Ouais, comme les tweets, quoi, c'est pareil. Ouais, c'est après, mais bon, ouais, mais bon, en texto, c'est chiant, quoi. C'est vrai. Mais aujourd'hui, parce que tout le monde utilise l'abréviation. T'envoies un nude, ça va plus vite, hein, si tu veux faire comprendre. Hein. Tiens, est-ce que vous saviez que 77% des Français ont un portable? Alors, on le consulte en moyenne 27 fois par jour et 50 fois pour les 18-24 ans. Vous, est-ce que vous êtes accro à vos portables autour de la table? Bah, moi, j'ai du mal à l'avouer, mais je suis complètement accro au téléphone. J'y suis tout le temps. Non, moi, franchement, je pourrais vivre sans. Ah bon? Je te jure, je suis pas du tout accro à mon téléphone. Pourtant, en plus, quand on voit tes stories, on se dit qu'il a... Mais non, je mets pas story, je suis pas du tout en ce moment éphémère, je te jure, j'y arrive pas. Moi, je suis vraiment pas de téléphone. Mais bah, c'est sûr que c'est pratique. C'est vrai que tu mets du temps à répondre. Hein. Je mets vachement de temps à répondre, je suis pas du tout téléphone. J'ai tellement tête en l'air que mon téléphone, je le perds à chaque fois. Et bah, sachez qu'il existe une journée mondiale sans téléphone depuis 2001. Ça dure 3 jours, c'est du 6 au 8 février. Bah, Morgane, on va essayer de le faire cette année. Hein. Non. Je sais que je tiendrai pas une minute. Mon délire. Pour finir, j'ai une info sur les SMS. Cette année 2018, là, pour le nouvel an, il y a eu 200 millions de messages envoyés contre 1 milliard en 2012. C'est pour ça que ça sature. Mais tu vois, moi, je suis pas. Non, ça ne sature plus parce que maintenant on envoie tout par internet. Moi, mais j'ai connu une époque et pourtant je suis pas vieux. T'as envoyé un message, tu sais qu'il fallait l'envoyer soit 4 heures avant, soit l'envoyer 5 heures après parce que sinon tu pouvais pas l'envoyer. Est-ce que vous êtes d'accord que avant le 1er janvier à minuit, nos téléphones ils faisaient ça? Voilà, c'était infernal. Sauf quand t'appelles ma mère. Et ça, t'es pas Beyoncé non plus. Il y a ta mère qui t'a envoyé un message et ton père. Mais maintenant, on reçoit qu'un message parce que on met en story en fait bonne année, c'est pour tout le monde et c'est beaucoup plus simple. Mais bon, il y en a quand même qui utilisent les SMS pour relancer leur ex. Un petit bonne année. Après, comment tu vas, hein? Des petites nouvelles, Corentin, ça te parle, ça? J'ai jamais fait ça. Oui, il y a d'autres. On peut mentir un peu, on a le droit de mentir, on n'a pas oublié de te dévoiler entièrement, non? Ouais, non, mais bon, tu peux être honnête. Tu mens quand même. Bah, bien sûr, j'envoie des messages pour les anniversaires sur Facebook. Bah oui, je suis pas bête, merde. 15h18 à ma montre, on va jouer, vous en pensez quoi? De ouf, allez, c'est parti. On joue au jeu des poupées russes sur Studek Web. Le jeu des poupées russes, c'est quoi? Morgane et Corentin ont choisi un thème avant l'émission. Corentin, t'as choisi quoi? Alors moi, j'ai choisi les animaux. Ok, toi Morgane? Alors moi, c'est la famille. La famille, ok. Alors vous devrez choisir entre l'un des deux thèmes et votre but va être de donner un maximum de réponses. Ouh, à une question posée en rapport avec la... les animaux. En rapport avec non, les animaux ou l'enfance en 45 secondes. Je vous dis, c'est bien le thème avec lequel vous êtes le plus à l'aise, hein, parce que bon, nos petits animateurs, là, ils peuvent être assez méchants des fois. Oui. En jouant aux poupées russes, vous pourrez tenter de gagner un pack Studek Web et une visite des studios. Autant vous dire que même moi, j'aimerais participer. De ouf. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le Facebook de Studek Web en donnant votre nom, prénom et numéro de téléphone. Bonne chance. Morgane, on en est où, là, de notre sondage sur Instagram? Est-ce que les jeunes préfèrent se faire livrer ou ils cuisinent? Eh ben là, on est à égalité, 50-50, c'est-à-dire qu'il y a autant de gens qui cuisinent que ceux qui commandent. Il y a les femmes d'à côté et les gars. Je pense que c'est mitigé. Bon, ça va peut-être bouger. En tout cas, un auditeur nous donnera son avis tout à l'heure. Dans moins de 5 minutes, on aura le titre du DJ néerlandais Olivier Eldens. Fire in my soul. Bon ça. Ouais, sympa. J'adore ce titre. Mais aussi Moving On de Mantra. Je kiffe ce morceau perso. Comment on dit? Moving On. Moving On. Yeah. Okay, let's go. Ne bougez pas sur Studek Web. Retrouvez le meilleur laboratoire radiophonique de France. Viens manier des éprouvettes d'humour, des potions de folie et mélange-les à ta personnalité. Le studio École de France est un vrai labo radio où sont formés des animateurs et animatrices. Des techniciens. Mais aussi des journalistes. Alors si tu aimes l'actualité et que tu veux la décrypter, rejoins-nous. Studio École de France, 145 rue Jean-Jacques Rousseau à Issy-les-Moulineaux. 01 46 20 31 31. Et toi, repose cette fiole de blagues lourdes. Ah, mais j'ai jamais le droit aussi. Réunis sur une seule radio. Studek Web, 100% nouveaux talents. Touch me like you never touched somebody before. You are made of pure dreams, mixed with champagne for sure. Do you ever wonder how good life? Soul sur Studek Web qui veut littéralement dire du feu dans mon âme, mais bon, en français, bah, c'est moins stylé quoi. Tout du à feu dans mon âme. On dirait une musique de Johnny, tu sais. Tout à l'heure, on a lancé un sondage sur Instagram de Studek Web. Les étudiants sont-ils accros à la livraison de repas à domicile? Bien ou sûr. Sont-ils plutôt du genre à cuisiner eux-mêmes? Autour de la table, c'était mitigé. Corentin était pour se faire livrer. Bien sûr. Et Morgane était contre. Alors, est-ce que les résultats ont bougé alors, sur Instagram? Oui, j'annonce que les résultats ont bougé. On a 53% de personnes qui commandent. Eh ouais. Voilà, c'est pour l'instant qui cuisine, donc. Ok, bah. La majorité est rationnelle, hein, jusque-là. Non. On a Rémi, 19 ans de Paris, qui veut donner son avis. Salut Rémi, tu nous entends ? Salut, bonjour tout le monde. Salut, comment tu vas ? Bien, et vous, toute l'équipe ? Ça va. Bien, ça va et toi, toute l'équipe ? Toi tout seul, comment ça va, toi tout seul ? Alors, toi, Rémi, t'es plutôt du genre à avoir la flemme et commander, ou alors tu cuisines ? Ah, totalement. J'ai totalement la flemme. Ah ouais ? Et je passe mon temps à commander. Et pourquoi tout t'as seul. La flemme, en fait ? C'est quoi qui te saoule dans faire la cuisine ? Bah déjà, pour faire la cuisine, il faut aller faire les courses. Bien vu, bien vu. Ouais, mais tu sais que ça coûte moins cher de faire les courses plutôt que commander, ça coûte une balle, alors, ça coûte une blinde. Sur ce point-là, je suis totalement d'accord, parce qu'à la fin du mois, quand on fait les comptes, ça fait mal on s'y retrouve plus, quoi. Il n'y a pas que ça. Non, mais c'est dommage, je trouve qu'il y a plein de jeunes qui commandent et qui mais mangent, moi, qui mangent pas sain. Ouais, moi, je suis d'accord avec lui quand même. La flemme l'emporte en fait. Ouais, non, mais la mondialisation, mais il faut se faire livrer. Mais la santé, c'est plus important que la flemme, non? Je sais mais pas. C'est vrai que par contre, je suis d'accord avec Morgane sur un point, et je vais être d'accord aussi avec l'auditeur, en désaccord avec l'auditeur, du moins, c'est que le meilleur repas que j'ai fait de ma vie, c'est le repas de mamie. Ah bah, mamie, elle cuisait, t'as les odeurs qui remontent. C'est ça. Tellement différent. La cuisine, oui, on adore. Bah ouais. C'est oui, c'est sûr. En tout cas, merci Rémi d'avoir donné ton avis. Tu reviens quand tu veux. Prochain sondage demain, bien sûr. Continue à réagir avec nous sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag StudecWeb. Salut Rémi. L'alerte média fait son comeback. Alors, que se passe-t-il dans le monde en ce moment même, Morgane? Alors, moi, c'est une histoire qui se passe en Thaïlande. Alors, il y a deux jeunes femmes qui ont trouvé ça drôle de faire fumer, j'ai un petit problème, de la marijuana à un chien. Et elles ont filmé la scène et elles l'ont postée sur les réseaux sociaux. Bon, on va pas se mentir, cette vidéo a créé l'indignation des internautes qui ont décidé d'appeler les autorités thaïlandaises pour leur retirer la garde de leur chien. J'avoue, j'ai regardé la vidéo pour comprendre ce qui avait choqué. Alors en vérité, il n'y a rien de terrible, ce n'est pas de la torture ou quoi que ce soit. C'est juste pas drôle en fait et le chien il fait vraiment de la peine. C'est très honteux même de faire ça, enfin, je comprends pas du tout. Moi en tout cas, j'ai trouvé autre chose en fait, ça fait le buzz en ce moment, Camille Combal va reprendre Qui veut gagner des millions. C'est vrai ? Et c'est confirmé puisque Jean-Pierre Foucault qui présentait le jeu depuis sa création en 2000 a tweeté, écoutez bien, dans quelques jours le retour de Qui veut gagner des millions sur TF1 et à l'issue de la première j'aurai le plaisir de demander à Camille Combal d'animer les suivantes. Heureux d'avoir pris cette décision. Moi aussi, par le passé, des anciens m'ont passé le relais et c'est mon dernier mot. Ah, là, au moins, c'est clair. C'est génial. Son combat, c'est un peu le Mbappé de TF1. Ils le mettent partout en ce moment. Oh, mais arrête de faire des références. Non, mais ils le mettent partout. Ils le mettent partout parce qu'il cartonne sur Danse avec les stars, il cartonne sur sa matinale. Ils le mettent partout. C'est génial, Camille Combal. Voilà, c'est ça. Donc, Camille Combal, la présentation de Qui veut gagner des millions, bonne ou mauvaise idée, on le saura en fait pour sa première. Très bonne. En plus, c'est vrai, il est habitué à TF1. Il fait Danse avec les stars. Apparemment, il va faire aussi Carpool Karaoke. Il va reprendre ça sur TF1 aussi. Il va faire le big deal aussi, j'ai entendu. Le big deal, prix. Il va tout faire. Et tout ce qu'on dit aussi, en fait. TF Combal. Bienvenue sur TF Combal tous les soirs. Truc de ouf. Moi, par contre, j'ai une autre info. J'ai un sexagénaire hollandais qui se dit discriminé et exige que son âge légal soit rajeuni de 20 ans. Il a emmené l'État. Il a demandé, en fait, tout simplement, il est arrivé, il a dit, écoutez, moi, j'ai 69 ans aujourd'hui, je suis beau gosse, je suis en pleine forme. Il a un certificat du médecin à l'appui qui lui dit, en fait, monsieur, vous n'avez pas 69 ans, vous avez l'âge de quelqu'un qui a entre 40 et 50 ans. Il est allé voir. Il a pris des avocats, il leur a dit, écoutez, moi, c'est simple, je me sens discriminé déjà, d'une, pour le travail. Quand je suis retraité, je ne peux plus avoir de boulot. Et de deux, niveau femme, quand je leur dis que j'ai 69 ans, elles me disent, ouais, mais non, tu peux plus, avoir la gaule, quoi. C'est pas possible qu'on fasse des choses ensemble. Donc, ce mec-là, il a pris l'État, il les a envoyés au prud'homme, il les a envoyés en justice, il leur a dit, écoutez bien, je veux 20 ans de moins sur mon passeport. Ah, il est un peu fou, lui. Ah ouais. Fred Federer a fait la même, je sais pas si c'est ça. C'était l'alerte média qui peut revenir à tout moment. N'oubliez pas de vous inscrire sur la page Facebook de StudecWeb pour jouer avec nous aux poupées russes. Il vous reste que quelques minutes pour jouer. Morgane, on le rappelle, ton thème est... C'est la famille. Et toi, Corentin ? Les animaux. Ouf ! C'est ça, vous choisissez l'un des deux thèmes et vous devrez donner un maximum de réponses à une question en rapport, donc soit avec les animaux, soit avec l'enfance. Et tout ça en 45 secondes. Un pack StudecWeb est à gagner. Morgane, on a quoi dans ce pack ? Alors, il y a une casquette, il y a des stylos et surtout, il y a une visite, visite guidée dans les studios avec nous. Et ça va être génial. Il me semble qu'il y a un poster aussi, non ? Avec des photos. Peut-être. Ça, est-ce qu'il y a des bisous aussi ? Non, il n'y a pas de bisous. J'aime bien les bisous, moi. Peut-être que toi, tu pourras en faire. Tu peux faire la visite aussi, non ? De ouf, ouais. Ah, vous êtes content, tu m'envoies à tous les studios. En plus, je suis tellement présent au studio que je ne connais bien sûr les studios par cœur. C'est vrai que tu es quand même tous les jours. C'est vrai. Tout le temps. L'un d'entre vous va le gagner, alors bonne chance à tous. Dans la suite du programme, le retour des infos, Coco va revenir sur une série culte. Est-ce que tu veux pas nous dire laquelle ? Non. Non, le suspense. Série américaine, elle a cartonné en France. C'est une série américaine, elle a cartonné en France. Même pas. Okay. Un petit indice. Ça y est, on a compris ce que c'était. Voilà. Non, moi j'ai pas compris. Hein. Bah non. Un peu de culture, Julie, c'est tout. Mais il a très mal imité, je suis désolée. Je suis désolée. Je fais le début du son, je refais, excusez-moi, ça fait. Je l'ai. En tout cas, restez avec nous, tout ça, c'est juste après sur StudecWeb. De 16h jusqu'à 17h, retrouvez Mehdi et Evan dans leur média pour une émission 100% info et média. Ils vont parler en particulier de Yann Barthès, présentateur de l'émission Quotidien. Ils vous feront aussi un petit voyage dans le temps, retour en 98. pour une émission culte, mais je ne vous dis pas laquelle. Impact Studek Web sera aussi à gagner, alors restez bien à l'écoute. Ne ratez pas l'heure média de 16h à 17h sur Studek Web. Studek Web, 15h30. Studek Web, les infos. Elle sait tout de l'actualité. Cyranouchka, la tienne est avec nous. Bonjour. Bonjour Julie, bonjour à tous. Aujourd'hui dans l'actualité, tous les syndicats des fonctionnaires de l'éducation nationale appellent à la grève. La cause, ils dénoncent les suppressions de postes. La grève est suivie par 11,33% des enseignants selon le ministère. Demain à l'Assemblée nationale, le budget 2019 sera traité, dont l'éducation nationale. Il prévoit de supprimer 2650 postes dans les collèges et lycées publics, 550 dans le privé et 400 dans l'administration. Les syndicats des fédérations FSU, CFDT et UNSA réclament l'annulation de ces suppressions de postes. Des manifestations ont été prévues dans les grandes villes de France, tandis qu'à Paris, le cortège a débuté à 14h pour allier le ministère. La Californie continue à brûler. Le bilan est extrêmement lourd. Plus de 6000 maisons détruites et déjà 31 morts. 250 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer leur domicile dans une vaste région près de Sacramento. Les pompiers se préparent au retour des dangereux vents de Santa Ana qui pourraient étendre les flammes selon un communiqué des autorités. Plus de 8000 pompiers fédéraux sur place, les autorités appellent à la prudence. Retour en France, un incendie s'est déclaré ce matin à 4h dans la cage d'escalier dans un immeuble à Sevran en Seine-Saint-Denis. 66 pompiers mobilisés et 80 personnes évacuées. Conséquence, 23 blessés dont 3 graves, l'une d'elles s'est défenestrée. Les victimes ont été transportées vers des hôpitaux parisiens, la plupart ont été intoxiquées. Parmi elles, 5 enfants, les origines de l'incendie reste encore inconnu. Sport à présent, l'incroyable victoire de Francis Joyon sur la route du Rhum. Le skipper a finalement rattrapé Françoise Gabart qui était en tête jusque dans les dernières heures. Victoire très serrée, Francis Joyon n'avait jamais réussi à s'imposer depuis sa première participation en 1990. La course est arrivée à terme au bout de 7 jours, 14h et 21 minutes. Et ça vient de tomber, les joueurs de l'équipe de France Paul Pogba et Anthony Martial sont forfaits contre les Pays-Bas vendredi en Ligue des Nations, les remplaçants Moussa Sissoko et Alexandre Lacazette. Du côté du ciel, journée pluvieuse et nuageuse sur une bonne partie de la France. Entre les Pays de Loire et les Hauts-de-France, en revanche, les pluies faibliront et deviendront plus rares. Par contre, risque d'orage à prévoir en Bretagne et en Normandie. Dans le sud de la France, le beau temps sera au rendez-vous. Des Midi-Pyrénées à la Corse, le soleil va prédominer. Les températures en moyenne en cette fin d'après-midi de 12 à 17 degrés. Il fera 12 à Paris, 13 à Rennes, 18 à Lyon et 17 à Strasbourg. Je vous retrouve tout à l'heure pour plus d'infos. Merci Cyranouche, ne ratez pas les prochaines infos à 16h tout pile. C'est Borderline sur Studek Web. On va jouer aux poupées russes dans moins de 20 minutes. Les règles sont simples. Vous choisissez un animateur à affronter sur un thème précis. Morgane, c'est la famille. Et Corentin? Les animaux. Parfait. 45 secondes pour citer un max de réponses en rapport avec le thème. Et c'est gagné. Vous repartez avec votre pack Studek Web. Inscrivez-vous simplement sur la page Facebook Studek Web. Et avec un peu de chance, c'est vous qu'on appellera. En attendant, c'est Mantra Moving On sur Studek Web. Some days I'm not myself, there's no one I can turn to. Who loves me like you used to. Vous êtes branchés sur Studec Web, c'est Borderline jusqu'à 16h. Corentin, c'est toi le plus vieux de la bande. Donc tu vas nous parler d'anciennes séries cultes. Ouais, désolé, c'était gratuit. Je vois ça. Je ne répondrai pas. Hein. Alors, imaginez-vous, fermez les yeux. On est le 2 avril 1978 sur une chaîne américaine, CBS. Ah, Dallas. Ça, ouais. Mon amour, mon éternel. Bon, vous reconnaissez, bah oui, Dallas, hein. Au lendemain d'un poisson d'avril, la famille Ewing viendra surfer sur la vague du succès pendant 14 saisons, soit 357 épisodes de 45 minutes. Petit calcul, ça fait beaucoup. Très beaucoup, c'est sûr. 16 065 heures de diffusion intense entre amour, argent et trahison, bien sûr. La France sera rapidement contaminée par le phénomène car en 1981, c'est TF1 qui décide d'inviter JR, Bobby et Sue Ellen dans nos écrans. Fini chapeau melon et bottes de cuir, la mode est au chapeau de cow-boy et Santiago pied. Il y a juste un petit défaut, si je peux apporter ce petit défaut dans la série, il y a un petit souci avec la traduction. En fait, à chaque fois, les Anglais doivent dire « It's wonderful, it's beautiful, it's... » Et nous, en fait, on a un seul mot pour le traduire, c'est ça. C'est magnifique. Elle est magnifique. C'est vrai que c'est nul. Elle est magnifique. Mais vous êtes vraiment magnifique. C'est magnifique. Voilà, c'est le seul mot. Magnifique. C'est le seul mot, magnifique. Ah oh, oui, magnifique. Voilà. La traduction française. On se croirait, ouais, c'est, on se croirait dans Plus belle la vie, tu sais. Bon bref, petit souci de parcours pour Dallas en France. De 1980 à 1987, c'est seulement en fait les 9 premières saisons qui seront diffusées sur TF1. Car le mania des médias italiens, Silvio Berlusconi, qui finira bien sûr président de ce magnifique pays qu'est la botte, il rachète les droits de la série et fixe un prix exorbitant pour la suite. TF1 refuse de s'aligner sur le prix. Et c'est tout simplement en 1995 seulement que l'intégralité de la série sera rediffusée en France jusqu'en 1996. C'est-à-dire que pendant un an sur TF1, toujours à la même heure, tous les dimanches, il y avait, c'était même pas tous les dimanches, c'était tous les jours de la semaine, il y avait Dallas. Tous les jours. Il devait y avoir des fans de foot. Exactement. Et la famille la plus célèbre du Texas voit la fin après 14 saisons en 1987. Mais comme une légende ne meurt jamais, c'est le 13 juin 2012, soit 21 ans après la fin de la première session, que la chaîne câblée américaine TNT a lancé la suite de la série qui met en scène JR, Bobby et Sue Ellen, ainsi que la nouvelle génération de la famille Wings. Dallas renaît. Ils ont refait Beverly Hills et ils ont aussi refait Dallas. Et alors pour les plus jeunes, parce que c'est vrai, quand on parle de Dallas, vous connaissez pas forcément. Laissez-moi vous dire que Dallas, ça c'était une vraie série culte. Et parce qu'aujourd'hui, avec ce que vous avez à la télé, bah dans le culte, il reste plus que le cul, quoi. Bien vu. Et ouais, ça porte bien son nom, hein. Ça porte bien son nom parce que c'est bien des séries de merde, tout ça. Ouais, j'avoue, il n'y a pas c'est de vrai. Droit. Merci, merci Coco. Bienvenue sur Studec Airlines. Attention, décollage imminent pour les musiques d'ailleurs. À destination de... Eh ben on va du côté des États-Unis, Morgane, c'est ça ? Eh oui, puisque je vais vous parler de Lindsay Stirling, qui est une jeune artiste venue tout droit des États-Unis et plus précisément de Californie, où elle entame sa carrière de violoniste, artiste, performeuse et compositrice. Son style musical fait légèrement penser à de la musique celtique, mais en fait, on le qualifierait plus de dubstep. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le dubstep ? Non, je ne sais pas, moi. Si, c'est un peu de l'électro, non ? Ouais, alors je vous explique en détail. Alors c'est un genre de musique électronique qui est originaire du sud de Londres. Il arrive dans les années 90 et il se développe en permanence depuis ces années-là. Et Lindsay Stirling, elle sort son premier album en 2012 et remporte un succès assez fulgurant. Le premier single de cet album, Crystallizer. Ah, ça me dit un truc. Ah, c'est hyper connu, c'est un carton. Oh, c'est un véritable carton. S'enchaîne ensuite en 2014 un featuring reprise de All of Me avec John Legend. Ah, j'adore cette chanson. Ah, j'adore cette chanson, elle est triste. J'ai pécho là-dessus, mon pote. Écoutez, le violon, c'est quand même extra. Vous entendez le violon ? C'est super beau. Et puis un duo avec la chanteuse française Marina Kaye, Sounds Like Heaven. Elle a une super voix, hein. Ouais. Mais elle fait de la musique de dingue, Lindsay Stirling. Elle est extraordinaire. Elle se lance finalement dans un projet de plusieurs duos avec le groupe Pentatonix. Est-ce que vous connaissez ? Oui, ça me dit quelque chose, moi, bon. Ça. Alors, elle reprend des titres comme Radioactive d'Imagine Dragon ou encore Papa Outé de Stromae. Papa Outé. J'aime bien ça, j'aime bien. C'est cool, hein. Sympa. Et plus récemment, elle a sorti une reprise. Alors, si je vous dis le titre, vous allez me dire « Ah oh bah oui, je connais !» The Show Must Go On. Bien sûr. The Queen, vous connaissez quand même. Bah ouais. Oui, the Charmers normal. Go. Et ben elle le fait en duo avec Céline Dion. Et ben moi je vous propose de l'écouter tout de suite sur Studek Web. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Anybody want to take it anymore? Show must go on. Son album Warmer in the Winter est disponible depuis le 20 octobre dernier. Si vous souhaitez faire sa connaissance, c'est le moment, vous ne le regretterez pas. Le jeu des poupées russes arrive dans quelques minutes. Inscrivez-vous sur le Facebook de Studek Web. Vous devrez donner le maximum de réponses à une question sur un thème au choix en 45 secondes. Soit celui de Corentin qui est, on le rappelle. Les animaux. Bien sûr, et celui de Morgane. La famille. Vous allez pouvoir gagner un pack Studek Web. Bonne chance à tous. En fin d'émission, vous allez apprendre de gros doses là sur nous autour de la table avec le serment d'hypocrite. Pour la suite du son, le duo Vita et Slimane. Je te le donne. Et petit retour dans les années 90 qui va faire très très plaisir. Je danse le Mia de I Am. Restez. J'adore. Restez avec nous sur Studek Web. Détendez-vous, on est bien sur Studek Web. Du lundi au jeudi à 17h, Steph, Bat et Bilal vous raccompagnent à la maison dans le GPS. La rampe de lancement de votre soirée. Personne n'en rêvait et ils l'ont fait. Une heure de bonheur radiophonique avec nos trois bras cassés. Au programme culture, info, musique, art de vivre et une sérieuse dose d'humour. L'Happy Hour avant l'heure, c'est dans le Grand Prime Studek Web. Studek Web. Une radio des hits. Studek. Du kiff. Studek Web. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Tu ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui coffe. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je te le donne. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble fou. Là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui coffre. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux, je te le donne. Vita et Slimane, je te le donne sur Studek Web. Ils sont super potes dans la vie en plus tous les deux, donc ça pouvait que marcher ce duo. On joue au jeu des poupées russes sur Studek Web. Les gars, ça y est, c'est le moment, le moment que vous attendez tous depuis le début de l'émission. On va jouer enfin aux poupées russes. Des cadeaux, des cadeaux, un cadeau. Karim est avec nous en ligne. Allô, tu nous entends? Allô, oui. Ça, comment tu vas? Ça va très bien, en forme. Salut. Alors, Karim. Tu viens d'où? Salut. Tu fais quoi dans la vie? Vas-y, présente-toi, moi, là c'est ton moment. Je viens de Grenoble et je suis mécanicien. Ok, cool. Alors est-ce que tu connais les règles du jeu ou pas? À peu près, ouais, normalement j'ai compris. Je vais je vais te les rappeler quand même aussi à nos auditeurs. Donc c'est simple en fait, Morgane ici présente a choisi le thème. Oui, la famille. Et Corentin? Les animaux. Tu vas devoir choisir un de ces deux thèmes et tu auras 45 secondes pour donner le plus de réponses possible à une question en rapport avec le thème que tu auras choisi. Ouais. Alors Karim, ma question est la suivante. Gros suspense. Qui as-tu choisi entre Morgane ou Corentin? Le préféré de l'équipe, celui qui fait le plus rire, Corentin. Wow, merci. C'est ça, Karim. Ça nous fait plaisir, merci beaucoup. Ok, bah Corentin, je te laisse, du coup, on te laisse. Mais peut-être qu'on le sait pas, Karim, il est en train de nous mytho depuis tout à l'heure. Ouais, peut-être. Que Karim, en fait, il est pas étout de Grenoble, il est de Madrid. Il a pas de thune, le mec. Il est pas en équipe de France et il vient jouer chez nous, quoi. Bon, alors, Karim, désolé, mon pote, je t'aime bien. Ouais. Par contre, bah moi ça va être compliqué parce que tu vas m'imiter tout simplement 7 animaux différents. Et à chaque fois je vais devoir deviner ces 7 animaux. T'aurais dû me choisir. Alors, tu trouves. Exactement, bah, on va faire un petit test avec Julie. Si par exemple Julie me dit, je sais pas, elle limite un animal. Miaou. Miaou, moi je note le chat, j'ai reconnu le chat, c'était facile. Okay. Donc c'est parti, prépare-toi. 3, 2, 1, let's go. Miaou. Ok. Me. Ok. C'est quoi ça? J'ai pas reconnu le refait, c'est quoi ça? C'est, si, c'est... moi j'ai reconnu. C'est quoi? Le cheval. Le chien à cheval? Mais oui. C'est un cheval, après c'est... C'est quoi le ça? Mais, c'est... Le corps, mais mec, tu l'as égargé pour la haine ou quoi? Hé, hey, c'est quoi ça? Quoi d'autre? Non, ça, non, c'est pas un animal, c'est quoi ça? Ok, mais non, c'est un chat ça aussi là! Eh les gars, c'est pas facile. Dépêche-toi, il t'en reste un, vas-y, on va faire 5. Allez, on fait 5, dépêche-toi, il t'en reste un. Cheval. Le tigre! Ok, stop, c'est quoi ça? C'était. Ouais, voilà. Écoute, Poto, il nous a fait notre meilleur moment de l'émission, je crois. Ah, mais je vous remercie. Ben voilà, mais c'est pas facile non plus. Hein. Tu remportes ton pack Sudekweb, reste bien en ligne. On va prendre tes coordonnées hors antenne. On t'envoie ça à la maison. Okay, on peut pas lui payer aussi un ticket pour aller au zoo parce que là, les animaux sont pas bons. Hein. Parce que là, t'es calé sur les animaux. Ouais, moi, je veux le rencontrer, Karim, hein, quand tu viens et tout. C'est pas pour la même chose, Karim. Ça, c'est pas les animaux, ça. C'est très gênant en tout cas. Ok, des bisous, merci poto, ciao. À toi, bisous. Salut, reviens jouer quand tu veux. Et si vous aussi vous voulez faire comme Karim en remportant votre pack Sudekweb, retentez votre chance chaque jour avec le jeu des poupées russes. Je vous demande de vous arrêter. Le serment d'hypocrite sur Sudekweb. Mehdi nous a rejoint pour son émission qui commence à 16h. Salut Mehdi, comment tu vas? Salut Julie, ça va et toi? Et toute l'équipe, Oriane et Quentin? Alors aujourd'hui, tu es l'accusé. Tu vas. Ouais, donc avant de te laisser pour l'heure média, Morgane, Corentin et moi, on va te raconter des anecdotes sur nous. Et en fait, okay, tu vas devoir deviner qui dit la vérité entre nous. Et si tu te trompes, bah on va pas te le cacher, t'auras un petit gage. Bah j'espère que j'aurai un beau gage alors si je me trompe. Alors Morgane, commence ton. Alors, moi, tous les ans, quand j'étais petite, on partait en Corse avec ma famille. Ouais. Et en fait, il m'arrive souvent, je suis un petit peu une casse-cou. Quand j'étais petite, je faisais n'importe quoi. Et en fait, on est allé dans un endroit où il y avait des grandes marches, mais d'une taille extraordinaire. Et en fait, je suis tellement bête que je me suis cassé la figure et j'ai roulé comme ça. Et ma tante m'a rattrapée. J'imagine la situation. Elle m'a rattrapée et en fait, on m'a dit que... du coup, on a appelé les pompiers, machin, parce que c'était quand même des grosses marches et je me suis fait très très mal. Et en fait, le pompier m'a dit que si ma tante m'avait pas rattrapée, j'aurais pu mourir ce jour-là. Oula, c'est très gay. Okay. Je dois deviner si c'est vrai ou c'est faux maintenant. À la fin. Moi, Mehdi, je vais te raconter ma pire honte. Donc, en fait, c'était l'année dernière. Je m'apprêtais à aller dans le métro 12 direction Aubervilliers, hein, comme à mon habitude. J'avais J'avais ma petite valise avec moi, en fait. Et au moment de monter dans le métro, en fait, je sais pas, mon cerveau a dû se déconnecter. J'ai loupé, tu sais, le marchepied, ils appellent ça comme ça. C'est ce que t'as entre le métro et le quai. Oui. Donc, j'ai trébuché. Et t'es tombé devant tout le monde. Je suis tombé devant tout le monde. Personne ne m'a aidé. C'est plausible. Hein, voilà, donc vraiment c'était la honte, mais comme jamais, parce que les gens m'aidaient pas, je me suis fait mal en plus. Hein. Ok, j'ai ma petite idée du coup sur les histoires là, j'y vois un peu plus clair. Corentin, okay, vas-y. Et pour moi c'est ma naissance. Ah. Je suis né un 22 septembre 1996. Tu te rappelles un dimanche de ta soir, naissance? Exactement. Je me rappelle du bruit du placenta sur le sol. C'est dégueulasse. Je sais. Alors pour tout te dire, je suis né en fait, si tu veux mon histoire, je suis né, donc ma mère en fait souffrait énormément, elle était sur le lit d'hôpital, normal. Elle souffrait énormément. Mm-hmm. Donc jusque là tout va bien, c'est un accouchement logique, normal, dans les règles. Ok. Et en fait le souci c'est qu'à ce moment-là, le médecin met du temps à arriver. Ouais. Et une fois que le médecin arrive, il fait accoucher ma mère et ma famille. Chez ma mère. Ouais, parce que ta famille, ça fait beaucoup quand même. Il fait accoucher ma mère. Et au moment où je sors, ouais, bref, il donne le bébé à la sage-femme, donc c'était moi le bébé. Et il dit à ma mère, merci madame, vous avez été courageuse parce que grâce à vous, moi, j'ai réussi à finir le film Ghost. Parce que le soir même, en fait, à la télé, il y avait Ghost. Donc je suis né sur Ghost. Ok, alors, mais c'est rigolo ça, c'est possible aussi. Mais bah, tu es l'accusé cet après-midi, pour toi, qui dit la vérité? Pour moi, Morgane, je pense pas que ça soit la vérité. Ça se joue entre Julie et Corentin. Je serais tenté de dire Julie parce que c'est extrêmement probable et ça peut arriver à tout le monde tous les jours à Paris. Et bien Mehdi, c'est faux. C'est l'histoire de Ghost. C'est moi. C'est la vérité. Ah, ouais. Ah bah non, mais... Oui, j'ai failli mourir beaucoup de fois dans ma vie. Mince, bah, c'est alors, je suis désolé. Toujours là. J'en suis désolé. Mehdi, ton gage, ça va être d'annoncer en fait, le prochain titre avec l'accent marseillais. Donc c'est Je danse le Mia de Ayam. Tu te débrouilles, tu fais et comme tu veux. Dans un instant, je peux vous dire sur. Ah, j'arrive pas à le prendre, l'accent marseillais. Non, mais mec, c'était Congo, ça a été révolté ou pas? Je prends le volet comme ça. J'arrive pas à prendre l'accent marseillais. Non, bah c'est Ayam. Je danse le Mia.